Aïe aïe aïe. 2015 9-3. Aïe. Avec le TLP poto. Avec le TLP poto. Ouais ouais ouais ouais ouais. C'est pour mes frères de la rue qui dansent sur mes sons, chantent la cabine en sueur. Je préfère être seul que mal accompagné. J'en ai marre, traîner devant mon palier. Dans ma bande des roues, y'a que des gars carrés. On fait que rigoler, pourquoi tu veux te barrer? Je veux quitter le pavé, le rap m'aide à m'évader. À m'évader, oui à m'évader. Je veux voyager de Paris au Nevada. Pourquoi tu joues nerveux, narval ou yanada? Je te dis ce que j'ai à dire même si je mets les pieds dans le plat. Oui mon son vient d'en bas, les critiqueurs j'entends pas. Frère, je m'en tamponne, je vais pas baisser les bras. Ouais, je fais partie des braves. Mise comme toi, y'a rien de grave. Avec les frères, on vaincra. Bouteille de Jack et 20 grammes. Avec les frères, on vaincra. Bouteille de Jack et 20 grammes. Frère, je m'en tamponne, je vais pas baisser les bras. Ouais, je fais partie des braves. Mise comme toi, y'a rien de grave. Avec les frères, on vaincra. Bouteille de Jack et 20 grammes. Jack et 20 grammes, 20 grammes. Avec les frères on vaincra, vaincra. Bouteille de Jack et 20 grammes, 20 grammes. Avec les frères on vaincra. Je les entends parler mais font rien. Des rumeurs sur moi ils ont rien. Frangin, gars c'est que des vauriens. Ils veulent la guerre, mes frères on est plein. Non je vais pas attendre que la flamme s'éteint. Ouais c'est certain, l'État nous prend pour des chiens. Frère on vit de l'illicite, je vais pas te faire un dessin. Insomniac la nuit je dors pas, tu peux le voir à mes gros cernes. À mes gros cernes, oui ça te concerne. Je veux te voir foutre le dégât à mes concerts. J'ai besoin de mes compères quand ça bac mes couplets. T'approches pas des enceintes, tu risques de te faire couper. Lâche mais tu raries frère, il vaut mieux vous courir. Je les ai vus tous douter mais sur moi ils sont gourés. Je suis bourré au quartier, je bois la bouteille au goulot. Je rappe sur n'importe quel instru, je sais faire mon boulot. Frère, je m'en tamponne, je vais pas baisser les bras. Jack et 20 grammes avec les frères, on vaincra. Bouteille de Jack et 20 grammes. Bouteille de Jack et 20 grammes. Avec les frères, on vaincra. Avec les frères, on vaincra. Avec les frères, on vaincra. Les boycottés, AJV, LOS Gringos. Aïe aïe aïe aïe aïe. Bande de rageux. Bande de rageux. Bande de rageux. Bande de rageux. Bande de rageux. Bande de rageux.